C'est les vacances, mais la reprise approche et je vous propose, comme habituellement, de faire la petite parenthèse de mi-saison pour nous intéresser à tous les pilotes et faire un débrief pilote par pilote de mi-saison, entre guillemets, parce que 14 courses sur 24, c'est pas la moitié, mais bon, c'est très festival, t'as compris. Donc, on va pouvoir y aller, on va pouvoir également tout de suite effacer ces commentaires type ton coiffeur machin est en prison ou toutes les merdes que tu vas balancer. Et on va s'intéresser à tout cela. Pour ce faire, je vous propose, pour que ce soit marrant et algorithmiquement YouTubien pertinent, de faire ça sous forme de classement, évidemment, naturellement. Comme habituellement, je vous expliquerai un peu à la fin la manière dont le classement a été établi, parce qu'au final, on est plus là pour parler du fond que de la forme. Sans surprise, le numéro 1 cette année, c'est Alexander Albon. Alexander Albon, sur laquelle il n'y avait pas vraiment d'attente cette année. Saloperie de chat. Avec l'arrivée d'un coéquipier qui était sur lequel il y avait pas mal d'attentes pour rester sur Albon, totalement dans la continuité de ce qu'il a fait ces années précédentes chez Williams, a constamment maximisé ses résultats, et avec cette année une voiture qui a été capable de jouer très régulièrement les points, et ben il a pu enchaîner plein de beaux résultats, une belle série de 5e place notamment, avec 3 arrivées en 5e place. Il est en train de porter l'équipe Williams à la 5e place du championnat constructeur, même si la deuxième partie de saison sera plus difficile pour eux parce qu'ils ont totalement coupé les robinets du développement. Et il y a eu plein de belles choses, comme je l'ai mentionné, donc l'Australie, l'Émilie-Romagne aussi, où il était très très bien, où il a très bien profité des situations pour marquer des gros points. Il y a eu une grosse série d'abandons également, avec un gros manque de fiabilité. Mais globalement, quand on regarde les seuls vrais points noirs de sa saison jusqu'alors, enfin, si on peut qualifier ça de points noirs, les plus mauvais moments de sa saison, bah, ont été... juste ok tiers, tu vois, c'était pas catastrophique, donc c'est vraiment pour ça que je pense qu'il mérite d'être plutôt bien considéré pour le moment cette saison, et c'est pour ça que sur une note de 72, je lui ai accordé un total de 7. Un bilan un petit peu plus partagé pour Fernando Alonso, à qui j'accorde aussi une très belle note de 7, si vous voulez mon avis, c'est pas mal 7, mais cette fois c'est un 7 sur 29, donc c'est un peu différent. 7 sur 29 parce que je trouve qu'il a fait au demeurant aussi une saison très très forte, mais il y a eu 2-3 petits moments, très très peu, où justement il a pas été en mesure de maximiser ses résultats, et c'est arrivé en plus à chaque fois en début de saison à des moments où il y avait moyen de marquer des gros points, notamment par exemple l'Australie où il s'est crashé, même si bon, à la vue des circonstances de course, le fait que juste devant lui il y a eu une pluie de gravier que Gasly, je crois, avait été dans le gravier, il a roulé juste dessus derrière. Bon, bref, il y a aussi eu probablement la pire course de toute son année à Monaco, où comme ça il est 5e ou 6e, et comme ça il se dit tiens, hop, j'arrête, j'en ai marre de la course. Soi-disant parce que le moteur marche plus, il va plus rouler. Mais bon, à part ces quelques petits moments, une touchette avec Liam Lawson à Miami, et il a juste manqué de la constance d'Aston Martin qui a attendu l'Émilie-Romagne pour amener des améliorations significatives, mais à partir de là, il a été régulièrement un challenger pour des petits points quand la voiture pouvait se battre, et des gros points quand les circonstances se présentaient. Instant placement produit. Bon, je vous dis pas ce qu'il y a dedans, hein, c'est la tasse, le placement produit. Oh putain, j'adore l'eau. Vous ne serez pas surpris de voir Andrea Kimi Antonelli en 3e place avec une modeste note de 4 sur 22 millions. Une note de 4 sur 22 millions, je pense que ça reflète plutôt bien son année parce qu'on est arrivé avec un début de saison très prometteur, avec plein de belles choses, mais dès que l'Émilie-Romagne est arrivée, les nouvelles améliorations sur la Mercedes, notamment de la suspension, ça a été très compliqué pour lui, et ça a été compliqué pour Russell aussi, mais Russell, avec un petit peu plus d'expérience, a été en mesure de ramener des résultats. Mais par contre, quand la voiture fonctionnait, notamment au Canada, il a su répondre présent, prenant le premier podium de sa carrière, complétant un double podium Mercedes avec la victoire de Georgie Boy. Maintenant, bah, il reste forcément des tâches d'ombre, et ces tâches d'ombre, bah, c'est un petit peu ce milieu de saison hein, qui s'étend de Imola jusqu'à, on va dire, c'est en Belgique, je crois, qu'ils sont revenus sur la spécification précédente, et où il a recommencé un petit peu à retrouver de la confiance, et j'espère que ça va être positif pour lui pour le reste de l'année, parce qu'encore une fois, on part sur un pilote qui, je pense c'est important de le rappeler, arrive en Formule 1 avec certes énormément de kilométrage en essai privé, mais qui, sur le terrain de la course, a relativement peu d'expérience. Force est de noter que il y a pratiquement aucune erreur. J'aime pas dire aucune, parce qu'il y en a eu. Il y a eu à Monaco, il y a eu des petites fautes ici et là, mais c'est ce qu'on attend à peu près d'un débutant avec seulement 18 ans et si peu d'expérience, encore une fois. Donc, je trouve que ça peut très bien se relativiser et que c'est très encourageant pour la suite à surveiller pour 2026 et certainement 2027. Maintenant, on va continuer avec un autre pilote qui m'a beaucoup enthousiasmé par le passé. C'est Oliver Bearman, enfin qui m'a enthousiasmé lorsqu'il a débuté l'an dernier. Son début de saison était aussi... j'étais très content de ce qu'il faisait. Là, sur les derniers Grands Prix, c'est un petit peu plus à relativiser, je trouve, parce que déjà, on ne peut pas malheureusement dissocier le fait qu'un pilote ne peut pas performer au-delà de ce que sa machine ne peut vraiment lui le permettre. Et la réalité, c'est que chez Haas, même si on a réussi à améliorer l'ensemble de la voiture, à mieux comprendre comment bien l'exploiter, globalement, on est sur des week-ends très en dents de scie, et ça se voit des deux côtés du garage entre Ocon et Bearman. Mais le fait est que Bearman a déjà une comparaison très flatteuse en qualification face à Ocon, avec un 8 en sa faveur contre 5, quand on sait que Ocon a toujours été plutôt très performant dans l'art de la qualification, c'est un très bon signe pour Bearman. Comme on peut s'y attendre pour un débutant, les rythmes de course sont plus difficiles, mais globalement, je pense qu'on peut être aussi très enthousiasmé pour lui, et surtout de se dire qu'à l'heure actuelle, assez peu de pression pour lui, on sait qu'il va continuer chez Haas l'an prochain, mais tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, il y a eu des très belles choses de Bearman, mais ça a été contrebalancé par un manque de science en course, mais aussi avec des erreurs un petit peu inutiles ici et là, notamment par exemple à Silverstone où il a enchaîné un crash dans la voie des stands en entrant dans la voie des stands sous période de drapeau rouge. Lorsque en course il est allé s'accrocher avec Ocon, donc il y a eu des petites choses ici et là qui étaient un petit peu inutiles, et on oubliera son week-end australien totalement désastreux également. Je lui accorde une honorable note de 5 sur Bariton. Saloperie. Et je vais donner exactement la même note à Gabriel Bortoleto. Bortoleto, ça allait toujours être un cas difficile, parce qu'il arrivait en Formule 1, certes, avec un beau pédigré, mais il arrivait dans une équipe Sauber qui était en train de se casser la gueule. Et finalement, la grande surprise, déjà, ça a été de voir que Sauber a réussi à sortir la tête de l'eau après deux saisons catastrophiques, et qu'il était en plus en face d'un Nico Hülkenberg qui a trouvé une septième jeunesse avec les voitures de post-2022. Et la réalité, c'est qu'à l'instar d'un Bearman face à Ocon, il le domine en qualification, il le domine, c'est un grand mot, 8 contre 6. En course, toujours pareil, des difficultés à toujours pleinement exploiter son rythme de course. On peut lui reprocher notamment pas mal d'erreurs, que ce soit en qualification, en course, et aussi de peut-être manquer encore un petit peu d'agressivité. Mais bref, très sincèrement, je pense qu'on peut pleinement l'excuser pour cela et l'encourager pour la suite. Petit tir groupé sur Franco Doohan et Jack Colapinto, parce que ça va être plus compliqué. Ces deux pilotes qui ont été tranchés dans le vif de manière assez inattendue, parce qu'il fallait foutre quelqu'un pour remplacer Ocon, et qu'il fallait foutre quelqu'un pour remplacer Doohan. Jack Doohan, on l'a mis là en sachant qu'il allait pas faire long feu, parce que on croyait pas en lui chez Alpine. Il est dans l'équipe depuis des années, il a eu énormément de roulage, c'était peut-être le pilote le mieux préparé avec Antonelli, et Bearman, bien sûr. Donc, c'était pas surprenant de le voir pas loin de Gasly en termes de rythme. Et sincèrement, à part peut-être l'Arabie Saoudite où il était vraiment nulle part, je trouve que c'était relativement correct. On peut également mettre à son discrédit le Japon, où il commence le week-end en ratant les essais libres 1, ensuite il se crache en essais libres 2 dès le début de la séance, et où finalement il a mené un week-end un peu sur la réserve, mais honnêtement c'était pas désastreux, loin de là, et de savoir qu'en plus il était sous pression parce qu'il allait se faire dégager pour l'argent du Colapinto. Après sur le papier, hein, entre nous, il y a beaucoup plus de promesses dans un Colapinto qu'en un Jack Duane, mais Colapinto, c'est arrivé de manière très difficile pour lui. Il arrive en plein cours de saison et forcément avec aucune expérience dans l'Alpine. On a essayé de le glisser un peu en essai privé, mais il n'y a rien eu de plus pour vraiment le former avec cette nouvelle voiture. Il a mis beaucoup de temps pour s'y accommoder et honnêtement, à l'heure actuelle, à part le Canada et le dernier Grand Prix en Hongrie, il n'y a pas eu grand-chose de particulièrement probant à se mettre sous la main, même si je pense que c'est totalement excusable. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il arrête de cracher des voitures parce que c'est vraiment la seule chose qui joue contre lui. En plus, il y a quelques temps, là, on a fait la pause estivale, on a eu les essais Pirelli pour 2026, il a craché la mule de Alpine, enfin la voiture test pré-2026 de Alpine, donc ça s'accumule beaucoup trop pour Colapinto. C'est peut-être trop tôt pour parler de 2026, de savoir s'il sera encore là. La seule chose qui peut jouer pour lui, c'est que personne ne veut piloter pour Alpine, personne de sensé du moins, avec les deux gros caïds du marché des transferts qui devraient partir chez Cadillac. Donc c'est la seule chose qui peut jouer en sa faveur. Je leur confère une note de 3 mousquetaires et on va rester dans l'équipe du tranchage de vif avec Pierrot Gasly, à qui j'accorde une note de 5 croquettes. Une valeur de 5 croquettes pour ce début de saison parce qu'il y a eu vraiment des grands prix Pierre Gasly, hein, c'est-à-dire où on l'a senti parfaitement à l'aise avec la voiture, où il arrivait à extraire des superbes Q3 alors que la voiture semblait pas être en mesure de sortir de la Q1. Mais ça a été très très vite contrebalancé avec, je pense, des boulettes qui ont pas mal entaché tout cela. Par exemple, Émilie Romagne, il se qualifie dans le top 10. C'est un miracle de le voir ici parce que l'Alpine semblait condamnée à la Q1 ou fond de Q2. Et ensuite, Gasly, en plein milieu du premier tour, il va dans le bac à gravier et il perd toute chance d'inscrire des points. Il y a eu 2 collisions avec Tsunoda qui étaient parfaitement évitables. Celle à Jeddah, on va plus parler de l'incident de course, mais de mon point de vue, c'est beaucoup plus de la responsabilité de Gasly. Celle à Monaco, où il rate totalement le freinage et il va empaler le fion de Tsunoda. Donc c'est pour ça il y a vraiment du très bon, et d'un autre côté, c'est contrebalancé avec des erreurs assez abyssales et inhabituelles pour Gasly. Et en plus de cela, pour ne pas l'aider, il y a naturellement le fait que en moyenne, l'Alpine est la pire voiture cette année, même s'il y a eu des week-ends où justement elle pouvait aller chercher des petits points. Mais globalement, c'est clairement la plus faible, surtout à ce stade de la saison, de Isaac Hadjar. Isaac Hadjar a attiré énormément d'attention positive cette année pour 2 raisons. La première, c'est que personne ne l'attendait. On rappelle qu'il est arrivé un petit peu par magie à l'intersaison. C'était vraiment qu'après que les rumeurs du départ de Pérez se confirmaient, qu'on a compris que chez Red Bull, on allait pouvoir promouvoir quelqu'un. Et Hadjar, il arrive, c'est finalement le pilote du roster de rookies de cette année qui a le moins de temps en piste avec des Formule 1. On rappelle que sa première séance officielle, c'était Silverstone 2024 dans la Red Bull. Une grande vitesse en qualification, mais en plus de ça, une capacité à tenir les rythmes de course qui était assez surprenant. C'est-à-dire que dès le Grand Prix de Chine, il parvient à se battre. Si vous vous rappelez, en Chine, c'était il y a si longtemps, mais il menait tout un petit peloton. Alors, je ne sais plus qui exactement était dedans, mais il y avait l'Alpine de Gasly de mémoire, peut-être une Williams. Mais voilà, il arrive à se battre pour les points à la régulière, et c'est vraiment qu'à la stratégie que Racing Bull s'est fait avoir. Il y a eu des petites erreurs ici et là, donc le crash en Australie, le crash sous la pluie à Silverstone. Mais à part ça, honnêtement, c'était vraiment une saison plutôt encourageante. Je lui accorde une note de 6 écrans plasma, sachant que j'ai pas envie de mettre beaucoup plus haut, parce que je ne peux pas m'empêcher de relativiser le fait que Racing Bulls semble avoir quand même construit une voiture qui semble, en comparaison de l'Alpine, bien plus facile à exploiter, dans le sens où on est moins prompt à l'erreur dans ce type de voiture, comme on peut l'être par exemple dans une Red Bull, pour dire quelque chose totalement au pif. Et je suis bête, parce qu'on va pouvoir continuer avec mon classement classé du plus en haut au plus en bas avec Lewis Hamilton. Hamilton, c'est profondément frustrant, parce qu'il y avait naturellement beaucoup d'attentes. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est OK. Mais le truc, c'est que OK, c'est pas suffisant à ce niveau de compétition. Il faut beaucoup plus, il faut aller chercher les gros points, il faut aller chercher un podium quand il y en a une opportunité. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je dis que c'est OK, c'est-à-dire que les performances ne sont pas excellentes. Elles sont vraiment radées pâquerettes, mais qu'en plus de cela, il n'y a pas d'erreur majeure, il n'y a pas de truc. Donc, il y a un petit côté... Oh putain, j'ai failli le comparer à Valtteri Bottas. Vous imaginez comparer Hamilton à Bottas. Mais on en est là, hein. On en est là, parce que c'est vraiment le strict minimum. Et vu qu'on est dans un plateau qui est compétitif, là, entre Mercedes, Red Bull et Ferrari, notamment, et parfois quand McLaren est un peu plus en recul... Eh ben, on ne peut pas se permettre d'avoir un pilote au ras des pâquerettes comme ça. L'avantage, entre guillemets, qu'il y a, c'est que Mercedes et Red Bull ont eux aussi un seul pilote de pointe. En début de saison, il y avait Antonelli qui se pointait parce que la Mercedes était capable de performer. Mais là, depuis les dernières courses, on n'a vraiment qu'un pilote par équipe. Et je pense que ça a grandement aidé un petit peu à niveler les performances, et qui permet à Ferrari de maintenir la deuxième place au championnat constructeur. Parce que si on fait la moyenne de points, à peu près de tête, on peut dire ça fait une moyenne de 7 points par course. Donc en moyenne, Hamilton finit 6-8e. Pour continuer avec mes déceptions, je vais parler de Nico Hülkenberg. Alors oui, c'est formidable, Monsieur Hulk a fait son podium. Je suis ravi, mais en même temps, je m'en tape un peu de son podium, parce que je suis content émotionnellement, parce que c'est un pilote dans lequel je crois depuis toujours. Mais j'ai pas besoin de ce podium pour juger Hülkenberg, contrairement à certains. La réalité, c'est que cette saison, je trouve que c'est très décevant. Il y a eu des coups d'éclat, Silverstone, l'Australie, la superbe remontée en Espagne, où justement il passe Hamilton dans les derniers tours, grâce à la voiture de sécurité, des pneus neufs, tout ça, mais voilà, c'est quand même pas rien. Mais ça, c'est contrebalancé, comme je le disais, par un Bortoleto qui arrive à prendre l'ascendant en qualification, et qu'il y a eu des courses, des week-ends où il était pas dans le coup. Et je pense que c'est vraiment pas ce qu'on attend d'un recrutement de Nico Hülkenberg pour une équipe comme Audi. À l'heure actuelle, si je ne devais garder qu'un seul des deux pilotes Sauber pour l'année prochaine, ce qui n'est pas le cas, hein, les deux sont confirmés, mais si je devais en garder qu'un seul, je garderais Bortoleto. Parce que certes, Hülkenberg a l'expérience, il a la constance, mais Bortoleto, en termes de résultats, il fait à peu près aussi bien, et il est en pleine période d'amélioration. Donc on peut s'attendre que si on continue sur ce niveau pendant 2-3 ans, il va très très vite le rattraper, et c'est pas encourageant du tout. Maintenant, encore une fois, la mémoire à la F1 courte, ou l'inverse. Et j'invite à prendre un petit peu du recul là-dessus, mais à l'heure actuelle, si je dois m'intéresser uniquement à ce début de saison, je pense que Hülkenberg ne mérite pas mieux qu'un 5 sur 9. Bon, on en a fait la moitié, et ben on va commencer à s'intéresser à des cas un petit peu rigolos. Liam Lawson. Liam Lawson, c'est rigolo parce que on a eu une grande chute quand même qui était assez triste à observer. C'est un pilote sur lequel j'avais pas mal d'espoir. En termes de promesses, on va pas être sur, pour moi, du Berman, du Antonelli, des choses comme ça. Mais je pense que sur une carrière, on peut avoir un pilote comme un Gasly, par exemple, comme un Carlos Sainz, quelqu'un qui mérite de faire carrière sur le long terme en Formule 1. Mais on lui a coupé les pattes très très vite en le jetant dans la Red Bull comme ça, sachant que déjà Lawson n'a jamais eu des débuts propres en Formule 1. Les deux fois où il est arrivé en 2023-2024, c'était à chaque fois des remplacements en fin de saison, donc c'était pas nécessairement facile. Et 2025, c'était peut-être son 12-13e départ, mais c'était le début, sa première saison officielle, et au bout de deux courses, on a dit « non, bon, dégage ». Et c'est très difficile pour un pilote de se relever après ça. Je trouve que pour le moment, il est en train de bien s'en relever, il a eu une phase plutôt creuse. Maintenant, il y a eu un enchaînement de résultats plutôt probants depuis l'Autriche, donc je pense que ça doit rester à surveiller à l'avenir. J'espère qu'il va continuer un peu à regagner en confiance, parce que je parle de pas mal de Gasly depuis tout à l'heure, mais Gasly est aussi un bon exemple d'un pilote qui aurait pu terminer sa carrière comme ça, parce que on l'a jeté trop tôt là où il fallait pas. Et à l'heure actuelle, Gasly est un pilote qui a sa place indiscutablement en Formule 1. Que Lawson prenne un petit peu cet exemple, parce qu'il suit un parcours à peu près similaire, et peut-être qu'il sera capable de rester. Lawson, je lui ai donné un 4. Juste 4, j'ai pas noté sur quoi. C'est-à-dire deux fois moins que pour Charles Leclerc. Charles Leclerc qui continue comme chaque année à me ravir, je trouve qu'il fait partie de, même s'il y en a qui n'arrivent pas à le concevoir, mais je le défends, il fait partie au minimum du top 5 mondial pour moi, parce que il arrive constamment à maximiser le package Ferrari. Et comme j'ai pu le dire pour pas mal d'équipes cette année, Ferrari fait partie de ces voitures qui ont beaucoup de mal à trouver leur équilibre, qui sont difficiles à piloter et qui sont difficiles à bien régler. Et malgré ça, ben, il arrive à tirer quelques podiums cette saison, à tirer une pole position. Bon, c'était dans des circonstances un peu particulières, mais il l'a quand même pris. Et globalement, rythme de qualif, rythme de course, c'est toujours très solide. Toujours très combatif en course. Les deux seuls points noirs vraiment de sa saison, ça a été quand il s'est mis à pleuvoir en Australie et à Silverstone. Étrangement, à chaque fois, des conditions dans lesquelles Hamilton a trouvé du rythme. Je pense que ça vient justement des philosophies de piloter cette Ferrari qui sont très très opposées, qui fait que Leclerc arrive très bien à l'exploiter dans les conditions normales, mais dès l'instant qu'elle perd, que le grip n'est pas là, il est plus conservateur et il arrive pas à l'exploiter comme il le devrait ou il le faudrait. Là où Hamilton, bah justement, n'ayant aucun repère, bah dès l'instant qu'il y a plus de repères, il arrive un petit peu à retrouver l'aisance qu'il a toujours eu dans ces conditions-là. Glando Norris, je suis aussi dans une phase de scepticisme, parce que autant je suis devenu habitué du Norris qui fait des trucs extraordinaires, parce qu'il est là depuis longtemps, on sait de quoi il est capable, enfin vraiment depuis 2021, il fait des trucs où des fois on se dit ouais, ok, vivement qu'il ait une voiture qui puisse jouer des victoires, jouer des titres, tout ça. Bon, maintenant qu'il l'a, bah, on se rend compte que c'est plus compliqué, mais encore une fois, bah, ça va se mettre en balance avec une McLaren qu'il n'arrive pas à prendre en main. Depuis l'Autriche, de mémoire, je crois, McLaren a ramené ses dernières améliorations de la saison et il laisse les pilotes dire voilà, prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. C'est quelque chose que je peux apprécier chez McLaren cette année, c'est-à-dire qu'ils laissent leurs pilotes se battre, ils les laissent vraiment prendre leurs décisions pour mener leur campagne mondiale. Je faisais un peu le parallèle avec Mercedes à l'époque dans la lutte Hamilton-Rosberg où vraiment c'était non, prenez tous les deux les mêmes pièces, peu importe qui est devant au premier virage, vous réglez ça en piste, mais vous vous crachez pas, il n'y a pas de stratégie pour essayer de contrecarrer l'équipier, tout ça. Chez McLaren, ils s'en foutent et ça fait plaisir. C'est ce qu'on veut voir. Donc, pour Norris, il y a eu vraiment ces courses un petit peu magistrales et ça a été mis, ça a été contrebalancé avec un début de saison qui a été l'enchaînement de la Chine, Bahreïn, Arabie Saoudite. Ça a été difficile, ça a été très très difficile. Il y a eu cette erreur inutile au Canada, où finalement bah, il perd des points précieux. À l'heure actuelle, il y a 9 points d'écart. L'écart serait réduit à 3 points, je crois, s'il ne tapait pas Piastri. J'ai refait les maths. En fait, s'il ne se crachait pas dans Piastri, il serait en tête du championnat pour un point. Et sur cet écart au championnat, c'est formidable qu'il ait réussi à se maintenir à 9 points. Mais il y a quand même pas mal de réussites qui allaient de son côté. Justement, sur des petites choses comme le fait de réussir à remonter en deuxième place à Imola alors qu'il était, pareil, qualifié loin et d'avoir Piastri qui termine derrière, des week-ends un petit peu comme ça. Par exemple, au Canada, quand il ne marque pas de points, Piastri n'en marque pas beaucoup. Ça a toujours été plein de petites choses comme ça. Le Piastri qui fait cette erreur sous la voiture de sécurité à Silverstone, qui du coup lui donne la victoire par défaut. C'est des petites choses ici et là qui l'ont un peu remis, qui l'ont aidé à se maintenir plutôt. Si on tenait pas le compte des points, on imaginerait Norris beaucoup plus loin qu'il ne l'est en réalité, je pense. Mais c'est aussi à cause de tout ça que j'ai du mal à lui donner beaucoup plus que 7. Multiplié par 7, divisé par 7 en termes de notes, parce qu'il y a eu du très beau, mais du très médiocre. Et je vais continuer progressivement, on s'approche de la fin, ne vous inquiétez pas, avec Esteban Ocon. Je vais le mettre un petit peu dans la même case qu'à Nico Hülkenberg, c'est-à-dire il y a eu des trucs très très bien, mais franchement, j'en veux plus, quoi. Et Ocon a eu beaucoup de mal, et il a toujours beaucoup de mal un petit peu à s'habituer à cette nouvelle as, notamment sur les réglages, sur sa gestion du train avant. Il n'arrive pas à trouver le bon équilibre, le fait d'être battu régulièrement en qualification. Mais après, justement, c'est parce qu'il a beaucoup de mal à régler ça. On l'a vu se crasher très bêtement à Bahreïn en qualification. Donc, pas quelque chose d'assez habituel pour lui. Mais justement, le fait d'être un petit peu contraint comme ça, ça lui permet de mieux gérer ses pneumatiques en course, ce qui lui a permis de récolter une superbe 5e place en Chine, mais qui, en conséquence, a fait que Haas s'est dit « Ah bah super, on peut laisser Ocon en piste sans jamais l'arrêter tous les Grands Prix. » Ils font des stratégies bizarres chez Haas, mais je pense qu'ils n'auraient pas à faire ça si Ocon sortait plus souvent de la Q1. Ce qu'il ne fait pas assez, à mon avis. Oscar Piastri, je lui accorde une note de 9,0 parce que je trouve que c'est une année très très solide et le seul petit point qui manquerait pour passer au 10, ça aurait été pour moi d'enlever toutes ces petites erreurs ici et là, même si c'est des petites choses, c'est des choses que je prends en compte comme celle en Australie en début de saison où il l'arrive à sauver 2 points, mais où il perd la 2e place sur une erreur, excusable dans ces conditions, naturellement, où il y a eu à Silverstone. Je pense que c'est pas totalement de sa faute, mais le fait est qu'il a la manière dont il a réagi derrière la voiture de sécurité, ça aurait pu provoquer un accident très grave, surtout dans ces conditions. Mais même dans ces week-ends modestes, il laissait pas Norris respirer, et c'est pour ça que j'ai du mal à concevoir que certaines personnes puissent réellement penser que cette année, on a une lutte mondiale qui est inintéressante, qu'on a des pilotes qui sont mauvais, tout ça. Je n'arrive pas à le concevoir. Parce que, à moins de ne pas regarder la Formule 1 depuis longtemps, mais si c'est le cas, on n'a aucune référence. Vas-y, je vais me faire plaisir, j'en ai rien à foutre, de toute façon, personne ne regardera. Pour moi, la lutte qu'on a cette année, ce sera difficile de faire pire que ce qu'on a eu en 2008. Donc, je le dis, hein, mais y en a qui vénèrent, peut-être un peu par ma faute, cette période fin des années 2000, mais 2008, Raikkonen, Massa, Hamilton, à la fin, est-ce qu'il y en avait vraiment un qui méritait le titre, tu vois ? Hamilton était le plus constant de tous. Enfin, non, c'était Kubica. Kubica était le seul qui méritait le titre. Mais non, Hamilton avait eu une saison relativement très très solide, c'était un peu n'importe quoi cette année-là. Et je trouve qu'on est un petit peu plus prestigieux quand même en 2025. C'est peut-être pas le haut du panier, hein, on n'est pas sur Verstappen-Hamilton en 2021, mais Verstappen-Hamilton en 2021, on a difficilement fait beaucoup mieux dans l'histoire, je pense. Donc voilà, de Piastri-Norris, c'est un... En termes de lutte de deux pilotes qui se battent pour leur premier titre, je pense que c'est du très haut niveau. Et si je devais disputer une note de 10 avec un autre pilote, ce serait justement avec George Boy Russell, qui, je pense, avec Piastri, est le pilote qui a eu la saison la plus constante en termes de performance absolue. Enfin, il y en a un autre, mais on va le mentionner plus tard. Pareil, la Mercedes n'a pas toujours été au top en termes de performance, surtout sur le milieu de saison, comme je le disais. Et même dans cette phase-là, il a réussi à tirer un podium, par exemple, à Miami. Il a réussi à en tirer un autre en Hongrie, même si ça a été grandement aidé par la chute de Leclerc en fin de course et les Red Bull qui étaient nulle part. Mais il y a eu tout ça. Il y a eu sa superbe victoire au Canada aussi, où il a dû aller la chercher à la dure. Enfin, il est resté devant toute la course, mais derrière, il y en avait un qui voulait aussi gagner, donc fallait tenir la pression. Donc je trouve que c'est une saison très solide de sa part, et je vais pas ajouter beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile, en revanche, d'aborder le cas de Carlos Sainz, parce que Big Bisou, pour lui, ça a été une grosse douche froide cette année. Alors, à savoir qu'actuellement au championnat, Alex Albon est 8e avec 54, Carlos Sainz est 16e avec 16. 54 contre 16, ça fait très très mal sur le papier. Maintenant, si on s'intéresse un peu aux comparaisons, en qualification, on est à 9 contre 5 en sa défaveur. En course, on est 8 contre 2, ça fait un petit peu plus mal. Mais globalement, quand il n'est pas si loin que ça d'Albon. En plus de cela, il a eu une saison assez bizarre. Enfin, pas bizarre, mais... c'est-à-dire qu'on a eu les week-ends où il n'était pas dans le coup. On a eu les week-ends où il a réussi à grappiller des points, que ce soit en terminant juste devant ou juste derrière Albon. Et puis, on a eu les week-ends où il était meilleur qu'Albon, et pour une raison ou une autre, il y a eu une saucisse qui a fait qu'il termine, qu'il marque pas de points ou qu'il finit loin, que il éclate Albon, mais il finit 12e et Albon finit 17e, enfin tu vois. Fin... Donc il y a une assez grosse injustice si on s'intéresse au championnat en termes de points, ce que je fais pas trop en général. Maintenant, la comparaison reste toujours relativement en faveur de Albon. Et Sainz, un peu comme Ocon, Hülkenberg, Hamilton, je pense que ce sera plus intéressant finalement de les voir l'année prochaine quand ils pourront démarrer une nouvelle réglementation avec leur nouvelle équipe, là où visiblement c'est difficile un petit peu pour tout le monde cette année. Mais je vais quand même pas pouvoir lui donner la moyenne, donc je lui donne seulement un 3 plus 1 sur 12. Lance Stroll. Ouais, non, Lance Stroll, j'en parle pas. Je touche pas à ça, moi, j'en ai marre. Parce que tous les ans, c'est la même chose. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Mais on voudrait que ce soit mieux. Il y a un moment, c'est bon. En plus, cette année, j'ai l'impression qu'il y a... qui a eu un peu un gros coup de ras-le-bol, notamment quand Aston Martin a ramené des améliorations. Alonso arrive à tirer le meilleur en qualification et Stroll reste bloqué en Q1. Il y a quelque chose, je pense, qui est très tendu en interne. Et j'ai dit que j'en parlerai pas, donc j'en parlerai pas. Un petit mot sur Petit Noda. Bon, bah, il voulait le volant de la Red Bull, il l'a eu. Maintenant, il comprend par quoi tous les autres sont passés. J'espère que Laurent Méquies sera pas débile. Il est pas trop débile, mais on sait jamais hein, comment les gens peuvent tourner. Déjà, il a fait des trucs pas débiles depuis son arrivée. Il a aidé Tsunoda à avoir le, je vais dire le même équipement, mais ça peut être mal interprété. Généralement, les améliorations, ben, on les donne directement à Verstappen, tout ça. Et quand on voit les écarts, eh ben, on laisse Tsunoda avec la voiture de début de saison et Verstappen, ben, on lui donne les nouveautés. Là, on a un peu équilibré les voitures. Au Japon, on a vu les performances qui se sont un peu resserrées. Alors attention, quand je dis resserrées, on est passé de 7 dixièmes à 4 dixièmes. Je sais pas si j'ai dit Japon. Je voulais dire Belgique et Hongrie. Ça s'est un peu resserré. Maintenant, il reste globalement très loin. Mais quand je dis j'espère qu'il va pas être bête et que Red Bull ne sera pas bête, Tsunoda reste un bon pilote et ce serait très très débile, à mon avis, de prendre cette saison 2025 comme référence pour savoir si oui ou non, on le... Mais tu vois pas que ça tourne ? Je disais, ce serait très très bête de prendre cette saison 2025 comme référence pour savoir si oui ou non on le signe pour 2026. Parce que justement, 2026, bah, on partira sur des voitures vierges. Donc fondamentalement, on aura plus ce problème que Red Bull, que les pilotes expriment depuis 2 ans et que j'ai abordé dans ma vidéo sur le Hornigate, à savoir les problèmes de stabilité, de développement qui est pas bon, tout ça. On repartira d'une feuille vierge et ce sera peut-être mieux comme ça. Et enfin, je suis obligé de le placer en dernière place, Max Verstappen, qui fait partie de ce trio avec Piastri et Russell, je pense, à avoir constamment maximisé ce qu'ils avaient dans les patounes. La différence, c'est que peut-être entre les trois, ben, Verstappen a la machine la plus capricieuse du lot. Le truc, c'est que Verstappen arrive occasionnellement à trouver le temps autour dans la voiture, malgré les difficultés, parce qu'encore une fois, la voiture n'est pas mauvaise. Tu ne peux pas prendre des pole positions et gagner des courses avec une voiture qui est la millième force du plateau. Mais le truc, c'est que c'est une poubelle, cette Red Bull. C'est-à-dire qu'elle peut-être aller très très vite, mais faut réussir à bien la configurer. Et encore une fois, j'applaudis les équipes du simulateur de Milton Keynes, parce que toujours entre le vendredi et le samedi, la Red Bull n'est pas la même. Le vendredi, ils sont nulle part. Le samedi, ils arrivent toujours à trouver des solutions miracles dans leur réglage. Donc ça, c'est en grande partie dû aux équipes de simulateurs. Et en plus de ça, je peux pas m'effacer de la mémoire l'Espagne qui avec ce coup de roue dégueulasse sur Russell. Il y a un moment... Oui, let them se foutre sur la gueule, mais il y a let them se foutre sur la gueule et donner des coups de poing gratuits. Et là, c'est un coup de poing gratuit, c'est pas du jeu. Je lui accorde une note de 9 chaussettes, mais vraiment, il aurait pu avoir 10. Mais bon, bref, c'est pas mal, 9. C'est moins bien que 10 ou 11, mais c'est mieux que 7 ou 8. Voilà, j'espère que j'ai été quand même suffisamment complet, même si j'aurais aimé faire beaucoup plus bref. Oui, j'ai dit que je vous expliquerais la manière dont ça a été classé. Alors, en fait... j'ai pris les pilotes par leur nom de famille et je les ai classés alphabétiquement. Et c'est comme ça que j'ai tranché mon top 20 de la saison. Donc n'hésitez pas à me partager votre top 20 et en me disant aussi comment vous l'avez fait. Par exemple, je sais qu'il y en a qui prennent leur top 20, ils vont prendre le nombre de points qu'ils ont au championnat et ils vont les classer comme ça. Par exemple, c'est comme ça que la F1 décide de son top 20. Et si je fais un bilan des notes que j'ai pu donner et que j'essaye de faire un classement subjectif, ça ressemblera à ça que je mets juste sur le côté à gauche de l'écran. Ici, là, juste à gauche. Allez, je vous souhaite des bisous, dormez bien, soyez sages et bonne nuit.